Nous étions au début du mois de mai. Un parfum provisoire excitait mes sens. D'avoir goûté à des joies plus brutales, plus ressemblantes à celles qu'on éprouve sans amour avec la première venue, affadissait les autres. J'appréciais déjà le sommeil chaste, libre, le bien-être de se sentir seul dans un lit, au drap frais. J'alléguais des raisons de prudence pour ne plus passer de nuit chez Marthe. Couché auprès d'elle, l'envie qui me prenait de seconde à l'autre d'être couché seul chez mes parents me faisait augurer l'insupportable d'une vie commune. D'autre part, je ne pouvais imaginer de vivre sans Marthe. Je commençais à connaître le châtiment de l'adultère.